Jésus dans l'histoire par Édouard Auguste Spohl. Chapitre 1er. Jésus est-il un personnage mythique ou appartient-il à l'histoire? L'histoire d'un prétendu dieu, né d'une vierge au solstice d'hiver, qui ressuscite à l'équinoxe du printemps, après être descendu au royaume des ténèbres, d'un dieu qui mène avec lui un cortège de 12 apôtres, représentant les 12 mois, d'un dieu vainqueur du prince des ténèbres qui fait passer les hommes dans l'empire de la lumière, qui répare les maux de la nature, donne la vie à tous les êtres, n'est-elle qu'une fable solaire, comme les mythes d'Hercule, d'Osiris, de Bacchus, d'Apollon, du médiateur Mithra? Oui, si nous ne considérons Jésus ou le Christ qu'en tant que personnage légendaire emprunté par les chrétiens hellénistes aux religions antérieures, dont les principales fêtes n'avait pour objet que de célébrer le retour des saisons, l'époque de certains travaux agricoles. Non, si dégageant la personnalité de Jésus de la gangue mythologique sous laquelle il disparaît presque entièrement, nous retrouvons en lui un de ces nazirs dont certains jouèrent parmi la secte des Esséniens en Palestine, un rôle analogue à celui des anciens prophètes qui avaient disparu depuis la captivité de Babylone. De ce Jésus, les auteurs contemporains ne disent pas un mot, car il est acquis depuis longtemps que le passage qui lui est consacré dans l'œuvre de l'historien juif Flavius Joseph n'est qu'une maladroite interpolation. C'est pourquoi Ernest Renan a pu dire qu'il échappe à l'histoire. Mais si l'on fait le départ entre les fables accumulées autour du Galiléen, dont la prétendue divinité n'a été proclamée que 3 siècles après sa mort, au concile de Nicée en 325, et ce qui subsiste de vraisemblable dans les actes, les épîtres et les évangiles, formant ce qu'on est convenu d'appeler le Nouveau Testament, on peut arriver à une reconstitution rationnelle de ce personnage, dont la notoriété fut de son vivant si médiocre.